Chapitre 4. Intérieur de Clément. Clément occupait dans une vieille maison, située rue du Cherche-Midi, un appartement au troisième. L'ameublement, simple et propre, offrait dans la forme et les couleurs cette disparité des meubles achetés d'occasion chez divers marchands. On y avait évité avec soin tout ce qui était susceptible d'éveiller la tristesse. Aux murs et aux fenêtres, des pièces élevées du logement, remplies de lumière, étaient un papier et des rideaux d'une nuance claire, semés de grosses fleurs rouges, vertes et bleues. Une vieille femme vint ouvrir. Avant que Max n'eût parlé, elle dit « Monsieur n'est pas là ». Mais Clément, qui sans doute d'un observatoire secret, avait reconnu son ami, apparut au moment où celui-ci descendait l'escalier et le rappela. « Viens par ici, lui dit-il en l'entraînant à travers plusieurs chambres. Nous serons plus tranquilles. Ma femme garde le lit. On a dû la séparer de son enfant, puisqu'elle ne peut nourrir et elle est très souffrante. Tu la verras une autre fois. » Ils furent bientôt installés dans une petite pièce qui rappelait un cabinet d'homme d'affaires, à cause d'une bibliothèque en acajou, comblée de livres à reliure uniformes, d'un grand casier dont la double pile de cartons verts était séparée par des registres armés de métal poli, et d'un bureau devant lequel s'ouvraient les bras circulaires d'un fauteuil recouvert de cuir rouge. « Tu n'as pas dîné au moins ?» dit Clément à son ami. « Nous dînerons ensemble, » ajouta-t-il en tirant de toute sa force le cordon d'une sonnette. La vieille femme accourut. « Marguerite, » cria Clément, qui accompagna ses paroles d'une pantomime expressive, « vous dresserez la table ici, vous mettrez deux couverts. »« Ne fais pas attention, » dit-il ensuite à Destrois, dont le visage accusait de la surprise et des préoccupations. La pauvre vieille est presque sourde. « Je l'avais deviné à son air, » repartit Max. « Ce n'est pas pour t'entendre élever de la voix que je suis étonné. À te parler franchement, depuis mon entrée ici, je ne remarque que des choses qui me confondent. » « Qu'est-ce qui t'étonne donc tant ?» demanda Clément. « Comment, » fit Destrois, « quand on t'a vu, comme je t'ai vu pendant 10 ans, vivre au jour la journée, changer d'hôtel tous les 15 jours, prendre racine dans les bals, te railler infatigablement de la vie bourgeoise, tu ne veux pas que je m'étonne de te trouver marié, père de famille, travaillant et économisant, vivant au coin de ton feu, ni plus ni moins qu'un notaire ou qu'un sous-préfet. « C'est précisément parce que j'ai vécu ainsi, » dit Clément, avec assez de raison, « que tu ne devrais pas t'étonner de me voir vivre d'une autre manière. » « Crois au moins, » s'empressa d'ajouter Max, « que ma surprise n'a rien de désobligeant pour toi. Elle éclate, au contraire, du plaisir que j'éprouve à te rencontrer tout autre. Certes, je t'aime mieux ici que dans cette horrible bouge de la rue Saint-Louis en Lille, où je t'ai vu avec Rosalie, l'avant-dernier automne, je crois. » Le tressaillement qui agita les nerfs de Clément attesta que Max venait de lui rappeler un souvenir extrêmement pénible. « À moins que tu n'en veuilles à notre repos, » dit-il, d'un air tout assombri, « tu ne parleras jamais, surtout devant ma femme, de ce temps funeste. Tu me feras également plaisir, en cessant de t'extasier à notre position nouvelle. Tu seras peut-être tout le premier à l'estimer bien modeste, quand je t'en aurai détaillé l'origine. » Outre que j'ai dû me plier à des pratiques honteuses que de temps en temps il m'a fallu pour parvenir où j'en suis. Cela ne paraît pas, mais l'état médiocre où tu me vois, si précaire encore, est pourtant la résultante d'une lutte quotidienne de 2 années au moins. Car il y a bien autant que je ne l'ai pas aperçu. Oh, pas tant, dit Destrois. Au reste, mes livres font foi, dit Clément. Tu tiens aussi des livres? Certainement, répartit Clément, dont le visage brilla de satisfaction. Et un journal. Depuis le moment où j'ai eu cette idée, je puis rendre compte non seulement de ce que j'ai reçu et dépensé à 1 centime près, mais encore de chacun de mes jours, heure par heure, minute par minute. Je veux te montrer cela. » Il se leva en effet et alla à son casier. « Ce n'est pas la peine, » disait Max, « il me suffit de te savoir plus heureux. » Clément insista. « Si, si, » répéta-t-il en posant un des registres du casier sur son bureau. « Tu pourras toi-même en tirer quelque enseignement. » D'ailleurs, il est bon que tu aies de quoi répondre à ceux qui feraient des commentaires sur moi. Quels commentaires veux-tu qu'on fasse? Peu, que sais-je. Moi, fit Clément d'un air ambigu, j'ai tant d'ennemis, que je suis de la police, par exemple. Quoique Destrois se déclara incapable de voir clair dans les livres de compte, Clément lui mit le registre sous les yeux, et l'obligea à l'examiner. Tu t'abuses, lui dit-il, les chiffres ne sont pas si diables qu'ils sont noirs. Il n'y a rien au-dessus de l'intelligence d'un enfant. Voici la colonne des recettes, puis celle des dépenses. Je te fais grâce des détails de celle-ci. Cela est pour moi. mais tu peux jeter un coup d'œil sur les recettes. La liste n'en est pas longue. Tu auras bientôt fait. Les 3 premiers mois, je n'ai pas touché d'autre argent que celui de ma place. Regarde, janvier, 100 francs. Février, idem. Mars, idem. Si, 300 francs. Le trimestre suivant, outre une augmentation de 25 francs par mois, si, 375 francs. J'ai rédigé à la prière d'un bottier catholique une brochure sur l'art de se chausser commodément et modestement, qui m'a été payée 500 francs. Si, 500 francs. Ce petit livre n'a pas paru, que je le sache, il ne paraîtra peut-être jamais. Peu m'importe. Il est du reste convenu que mon nom n'y figurera pas. Au 3e trimestre, sans travailler davantage, au lieu de 125 francs par mois, j'en ai margé 150. Or, si je ne me trompe, voilà un an que cela dure, ce qui fait au total une somme de 1800 francs, si 1800 francs. Dans l'intervalle, j'ai exécuté divers travaux, entre autres pour une librairie religieuse, des petits livres de piété, des contes pour les enfants, des histoires de saints, le tout, ma foi, assez bien payé. Jugez-en, si 900 francs. J'ai encore publié à mon compte l'Almanach des dévots qui m'a rapporté net 200 francs, si 200 francs. J'ajouterai que le duc de L, séduit par ma belle écriture, que tu connais, m'a donné à faire la copie d'un manuscrit de 150 pages, à raison de 1 franc par page, ce qui fait juste 150 francs, si 150 francs. Enfin, tout récemment, j'ai reçu du ministère de l'Intérieur, bureau des secours généraux, car je ne suis pas fier, une somme de 100 francs, si 100 francs. Somme toute, tu le vois, continua Clément en faisant jouer avec complaisance les feuillets du registre, j'ai énormément travaillé et gagné beaucoup d'argent. Par malheur, eu égard aux choses dont nous avions besoin, telles que linge, habits, meubles, vaisselle, et le reste, ça a été un gain de 1000 dans une gueule d'âne. La grossesse de Rosalie, qui est venue ensuite, a occasionné forcément un surcroît de dépenses. Je ne me rappelle pas sans frémir qu'au moment des couches, il n'y avait pas un sou à la maison. Et je me demande encore où j'ai trouvé des forces et des ressources pour doubler ce cap terrible. Quoique j'en eusse, il a bien fallu faire de nouvelles dettes et escompter encore une fois l'avenir. Ce n'est heureusement qu'une gêne momentanée, dont le terme est même très prochain. Tel que tu me vois, je suis résolu à faire de l'industrie. J'ai déjà sur le chantier une dizaine d'affaires très belles. C'est étrange, n'est-ce pas? J'ai pris goût au bien-être. Je me suis affolé de considération, et il me semble que je n'aurai jamais assez, ni de l'un ni de l'autre. Je prétends payer peu à peu intégralement mes vieilles dettes, vivre dans l'aisance et devenir un parfait honnête homme, selon le monde. C'est si simple. Pour commencer, j'espère qu'avant peu, tu me verras mieux logé, et dans un quartier moins triste. Je veux avoir de beaux meubles, acheter un piano et faire apprendre la musique à cette pauvre Rosalie qui s'ennuie à périr. Nous verrons. Tout en disant cela, Clément inclinait vers la terre un front chargé de rêveries funèbres, ce qui était au moins l'aveu d'une satisfaction bornée. Quant au fait qu'ils venaient d'égrener complaisamment, ils étaient appuyés de preuves si catégoriques que l'authenticité n'en pouvait être mise en doute. Aussi Max ne se préoccupait-il que de connaître le prix auquel Clément avait obtenu une aussi belle place et tant de travaux lucratifs par-dessus le marché. « Voilà où je t'attendais !» s'écria tout à coup ce dernier en se levant. Il ferma son registre et le remit en place. À la vue du dîner qui était servi, « Mais dit-il avec une inflexion de voix plus calme, mettons-nous à table. Nous causerons tout aussi bien en mangeant. » Il ajouta d'un air profondément ironique. « D'ailleurs, mets avis qu'il te faut des forces, en prévision des faiblesses que pourra te causer le récit de mes turpitudes préméditées, formellement voulues. » Ils n'étaient pas assis depuis 5 minutes l'un devant l'autre et n'avaient pas mangé 3 bouchées que la vieille sourde entra à l'improviste. Clément, qui lui avait fait comprendre qu'on n'avait plus besoin d'elle, la regarda avec colère. « Qu'est-ce qu'il y a ? » lui cria-t-il brutalement. « Madame Rosalie vous demande, » répondit la vieille femme. « Ah ! » fit Clément, avec des marques d'impatience et de mauvaise humeur, « cette diablesse de Rosalie est insupportable. Elle ne peut pas rester un moment seule. Il faut toujours que je sois là. » Cependant, il s'excusa auprès de son ami et suivit la vieille Marguerite. Destroy ne savait que penser de tout cela. Quoiqu'il n'eût sous les yeux que des objets capables d'égayer l'esprit, il n'en sentait pas moins des bouffées de tristesse l'oppresser, à peu près comme dans une étincelante et joyeuse cuisine. La fumée âcre des viandes grillées vous prend à la gorge et vous étouffe. Clément ne tarda pas à revenir. « Maintenant, dit-il, nous ne serons plus dérangés. Je lui ai fait prendre un peu d'opium. »« Qu'avait-elle ? » demanda Max. Est-ce que je sais? Fit Clément en haussant les épaules. Elle ne pouvait pas dormir, elle rêvait les yeux ouverts. Laissons cela, revenons à ce que je te disais.